il a rejeté un jugement parmi les jugements d'Allah le Très-Haut, après que ce jugement a été établi, hein, et qu'il l'ait connu.